fut un temps pas si reculé que ça où les rives des fleuves des grandes villes de France et d'Europe étaient pourvues de boîtes de fumigation, des boîtes qui avaient pour vocation à aider à la réanimation d'éventuels noyés grâce à un procédé dit d'insufflation alvine qui consiste en l'insufflation donc de fumée de tabac dans l'anus des noyés. Cette pratique sans aucun fondement, si vous me passez le jeu de mots, médical, a pourtant été la norme pendant plus d'un siècle. Comment a-t-elle pu prospérer en dépit de l'esprit des Lumières? D'où vient-elle? Et pourquoi a-t-elle été effacée du récit de l'histoire des sciences? Du tabac pour les morts, histoire d'un second souffle, c'est notre fumeux programme pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Anton Serdetchny. Presque. Serdetchny, bah oui, mais il y a trop de consonnes. Alors Serdetchny, je vais essayer de m'y tenir, j'aurais dû l'écrire en phonétique. Vous êtes enseignant d'histoire moderne à l'université d'Aix-Marseille, vous êtes donc auteur de ce livre « Du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation ». C'est aux éditions Champ Vallon. Un mot pour dire à nos auditeurs du 1er novembre qui, en ce jour férié, peuvent nous suivre plus nombreux que d'habitude en direct sur les ondes de France Culture, mais également, comme tous les jours, en différé via franceculture.fr ou en podcast via votre application de podcast préférée. Alors, Anton Serdetchny. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en ce jour des morts. Et avant d'entrer dans cette histoire assez incroyable de l'insufflation alvine que vous détaillez dans ce livre, j'aimerais commencer par quelques mots de la préface qui est signée par Jean-Claude Schmitt. Voilà ce qui est écrit à l'incipit de votre livre. L'histoire des sciences et des techniques se conçoit en général à partir de son point d'arrivée, c'est-à-dire l'état du savoir aujourd'hui. Elle fait ainsi la plupart des apports, elle fait ainsi la part des apports qui semblent avoir le plus contribué au progrès scientifique jusqu'à nos jours et des branches mortes qui n'auraient pas concouru à ses succès et les auraient même entravées. Erreurs, impasses et superstitions vouées à l'oubli ou, dans le meilleur des cas, étranges objets relégués dans les cabinets de curiosité qui fleurirent entre le 16e et le 18e siècle. En voici donc un bel exemple. C'est intéressant parce que, en fait, vous vous intéressez exactement à ce cabinet de curiosité, à ces choses qui ont été laissées de côté par l'histoire des sciences et de la médecine. Oui, c'est exactement ça. C'est probablement un exemple assez extrême des choses qui ont été dont on ne veut guère parler en histoire de la médecine, dans la mesure où elle préfigure absolument pas la réanimation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est exactement l'inverse. Quand on voit l'insufflation de fumée de tabac pour la première fois, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de comique, de burlesque, alors qu'elle était une chose absolument sérieuse et d'une importance, une très grande importance. Quand vous avez mentionné les boîtes fumigatoires le long des fleuves dans toute l'Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe, on a affaire à la première forme de secours d'urgence organisé en Europe, de secours d'urgence médicale organisé en Europe. Et c'est un phénomène qui est absolument pas anodin, c'est un phénomène qui est auquel on doit beaucoup, et qui nous a apporté la réanimation, pour ainsi dire. Mais on ne veut pas en parler, on n'a pas voulu en parler pendant longtemps, parce que c'est extrêmement difficile de le faire tenir dans une belle ligne continue qui ferait venir un progrès scientifique jusqu'à nos pratiques actuelles de bouche à bouche et de compression thoracique. Ce qui est intéressant, et puis on y reviendra peut-être au cours de l'émission, c'est qu'effectivement, à travers ce livre, qui est pas un livre anecdotique, hein, c'est un livre conséquent de plus de 300 pages, de près de 400 pages, c'est que à travers cette histoire, ce que vous essayez de faire, Anton Serdetchny, c'est de finalement dépasser cette espèce de récit historique positiviste, de préfiguration d'une certaine forme de scientisme, c'est-à-dire de dire finalement tout est une sorte de longue marche vers le progrès. Ouais. Ça doit être le rôle de l'historien, à mon sens, de pas se limiter à essayer de distribuer des bons points à qui est l'inventeur, et souvent c'est pas le cas, de telle ou telle pratique, quel génie nous a précédé. Ça nous apprend pas grand-chose, sinon de flatter la mémoire de quelques grandes figures comme Léonard de Vinci ou Galilée ou Newton, qui était par ailleurs un alchimiste chevronné, son temps à ne pas mettre en valeur. On en a parlé à ce micro même, à une émission consacrée à Newton, justement, de cette partie alchimique qui avait été un peu oubliée de la carrière de Newton et qui n'a évidemment pas le même retentissement dans l'histoire des sciences. à mon sens, si on veut vraiment apporter sa pierre à l'édifice de l'histoire des sciences, il faut aller regarder du côté de ce que l'historien, théoriquement, doit chercher, c'est-à-dire les déterminismes culturels, sociaux, religieux, qui permettent de rendre pensable, de rendre possible des choses nouvelles. Et là, l'historien a quelque chose à apporter, montrer comment on invente quelque chose de nouveau, pas à coup de génie, pas à coup de bonnes idées qui viendraient de nulle part, ou d'une bulle, ou d'une boîte noire qu'on ne pourrait pas étudier, mais au contraire, en regardant des processus sur le long terme, ou sur le moyen terme, voire sur le court terme, qui aboutissent à des choses nouvelles, à des pensées nouvelles, à des innovations dont nous sommes directement les héritiers. Est-ce que du coup on peut lire ce livre du tabac pour le mort comme une forme de critique de l'histoire des sciences qu'on appelle discontinuiste, c'est-à-dire de dire finalement les sciences ne progressent que grâce à des génies qui à un moment donné font des bouleversements, des bascules paradigmatiques qui est un peu le récit hein, historique de l'épistémologie actuelle? Une critique sans doute en partie, surtout un complément. L'idée, c'est de voir si on peut. L'idée, c'était de voir si on pouvait, parce que j'espère que j'y suis parvenu, ouvrir d'autres perspectives, d'autres champs, voir jusqu'où on peut pousser l'étude des liens entre la culture, au sens très large, et la fabrication de la science. Parce que on va évidemment le détailler, on va y revenir, mais ce lien entre l'insufflation alvine, la médecine, la réanimation, vous faites un lien avec la culture, le rituel du carnaval, on y reviendra, et c'est ça qui est assez passionnant. Une question peut-être pour repartir du point de départ, qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ces boîtes de fumigation du tabac pour les morts? Alors là, le jour est doublement pertinent, on est sur la fête des morts, chrétienne et pré-chrétienne, proto-chrétienne, également avec Halloween hier. Et c'est le premier jour du mois sans tabac, si je ne me trompe pas. Absolument. Et j'ai commencé cette recherche parce que j'essayais d'arrêter de fumer. C'était un échec cuisant, mais j'ai trouvé mon sujet. J'ai regardé, je feuilletais au hasard l'encyclopédie Diderot et d'Alembert en recherchant les occurrences de tabac. Et à l'article « Mort médecine », écrit par un collaborateur médical assez important, Ménuret de Chambaud, qui est assez méconnu aujourd'hui, je suis tombé sur l'idée qu'on pouvait réanimer les morts, qui était présentée comme quelque chose de nouveau, et cette pratique de souffler de la fumée de tabac dans le derrière, présentée comme quelque chose d'extrêmement efficient. Je suis un peu tombé des nues, je m'attendais certainement pas à ça, et la première question qui m'est venue, c'est... D'où a pu leur venir cette idée-là? Elle n'était pas explicitée, elle n'était pas expliquée, ils ne disaient pas pourquoi ça fonctionnait. Ils le présentaient juste comme quelque chose d'extrêmement efficace. Et bon, c'était une simple curiosité au départ. Comment les hommes des Lumières, surtout dans cet article-là, donc c'est un scientifique qui l'écrit, il est extrêmement... comment dire? Ses positions méthodologiques sont extrêmement proches des nôtres. Il explique qu'il faut absolument fonder toute connaissance sur la raison et l'expérience, se garantir des préventions, comme on disait à l'époque, des préjugés et des croyances populaires. Et dans cet article-là, le même, il explique que, contrairement à ce que le peuple croit, les hirondelles hibernent sous l'eau. Et donc, ces méthodes de réanimation, particulièrement celles-là. Donc le choc était d'autant plus grand, et en essayant de redonner la cohérence à ce discours, en essayant de se remettre dans le contexte de Ménuret, en essayant de comprendre comment il avait pu en revenir à dire ça, j'ai commencé à creuser et à me rendre compte qu'en fait les sources étaient extraordinairement nombreuses sur l'insufflation de fumée de tabac. Des milliers de pages, j'ai eu à lire des milliers de pages, et en commençant à lire l'historiographie, je me suis rendu compte qu'on n'en parlait presque pas, voire qu'on n'en parlait pas du tout, ou pire, qu'on déformait certains textes pour, justement, essayer de ne pas en parler. C'est Réaumur qui a introduit l'insufflation alvine. Alors, le mot est de moi, il n'est pas utilisé à l'époque, enfin, il est de moi. Je l'ai emprunté à un grand théoricien du carnaval, Claude Gagnebet, qui l'a mis en valeur. Donc, l'insufflation alvine apparaissait comme un phénomène extrêmement répandu en Europe et donc tue par l'historiographie, voire passer sous silence. Comme je disais, Réaumur l'avait introduit en France en 1740, et je peux trouver, je citerai pas de nom, dans des livres d'histoire de la réanimation, certaines personnes qui disent que Réaumur préconisait l'insufflation, sous-entendu évidemment pulmonaire, donc une forme de bouche à bouche, alors que il nous explique que ce qu'il y a de mieux, c'est de souffler de la fumée de tabac dans le derrière des noyés. C'est ça qui est assez passionnant dans ce récit, c'est que vous expliquez comment l'histoire des sciences a posteriori va essayer par ailleurs. Il y a deux mouvements hein, similaires, c'est de nier, de passer complètement à côté de l'influence culturelle populaire sur la pratique de la médecine, sur laquelle on va revenir, mais aussi comment a posteriori, une fois qu'on se rend compte de l'erreur, on essaie de la faire disparaître complètement de l'historiographie de la réanimation. Cette tendance, on a un gros mot pour ça, qu'on dit téléologie, du grec téléos, le but. Donc cette tendance à reconstruire l'histoire pour qu'elle aboutisse tout naturellement à notre science actuelle est assez compréhensible, elle a un côté très rassurant. Si on la suit, ça veut dire que notre science actuelle est une bonne science qui ne va plus bouger. Il y a un côté ornière assez prononcé. Et on passe, on arrive à se débarrasser de l'idée que c'est possible que dans 100 ans, 150 ans, on se moque de certaines de nos pratiques médicales ou autres, ou de certaines de nos idées en physique ou dans n'importe quelle science, de la même manière qu'aujourd'hui, la première réaction est de rire quand on voit l'insufflation de fumée de tabac. Ça, c'est quelque chose d'assez inconfortable psychologiquement, particulièrement quand l'histoire des sciences est faite par des scientifiques et non par des historiens qui ont un peu plus de distance, un peu moins de connaissances scientifiques aussi, mais un peu plus de distance pour étudier les phénomènes de ce type. Mais n'y a-t-il pas finalement un mouvement très naturel à minorer l'importance des impasses de la science parce que précisément elles n'ont débouché sur rien? Alors, c'est une chose de vouloir corriger l'histoire ou de vouloir amender l'histoire, mais finalement de ne pas retenir une partie qui a conduit à une impasse. Il y a quelque chose d'assez légitime dans ce qu'on pourrait considérer comme la marche, l'avancée de la connaissance, l'avancée du progrès. Antoine Servetsky. Alors, le problème, c'est qu'on fait justement l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend des impasses et on les transforme en phénomènes importants, comme la première forme de massage cardiaque. On peut en trouver au 19e siècle, extrêmement ponctuellement chez des médecins allemands qui feront un massage cardiaque externe, ce qui est vraiment quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui et pas du tout si on regarde le continuum de l'histoire. Ça, c'était des impasses parce qu'elles n'ont pas eu d'impact. Elles n'ont pas été reçues. En fait, ce qui compte le plus, c'est pas qui a formulé l'idée et comment il l'a formulée, mais comment ça a été reçu, est-ce que ça a pris, est-ce que ça a eu du succès. Et donc, il y a des impasses dont on fait des événements scientifiques qui, en fait, n'ont pas eu lieu. Parce que, justement, c'est resté dans un cercle extrêmement restreint et c'est tombé à l'eau. L'insufflation de fumée de tabac, elle, n'était pas une impasse de ce point de vue-là. Ça a été un phénomène social total qui a touché presque l'ensemble de la société, puisque tout le monde pouvait se noyer, qui a donné lieu à un véritable commerce des machines. Mmh. Donc, après, pour parler de... Est-ce que les historiens des sciences regardent les théories qui sont fausses autant que les théories qui sont vraies? Oui, ça fait longtemps, notamment avec le programme fort de Bloor, on a déjà dépassé ça. Mais par rapport à mon sujet, on n'est pas sur l'histoire d'une impasse, on est sur l'histoire de l'invention, plutôt le développement de la réanimation, comment elle est arrivée sur le devant de la scène pour ne plus la quitter. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons d'une certaine histoire de la réanimation telle que la conte Antoine Servetsky dans Du tabac pour le mort aux éditions Champ Vallon. Peut-être peut-on, avant d'arriver à ce moment que vous décrivez et à cette pratique de l'insufflation de fumée de tabac dans l'anus, hein, on peut le dire avec les mots idoines, peut-être redire un peu ce qu'est et ce que vous décrivez dans une première partie de votre livre, l'histoire de la connaissance, l'état des lieux de la réanimation. Parce que évidemment, à partir dès lors que l'on touche à la mort, on touche à la transcendance, au divin, à l'interdit. Et pendant très longtemps, réanimer un mort, ça n'est quasiment pas conceptuellement acceptable. J'irais pas jusqu'à dire ça. En fait, c'est plutôt que la question ne se posait pas réellement. On n'y portait pas un grand intérêt. Il n'y a pas d'interdit religieux à tenter de réanimer un mort. Et il n'y a eu aucune réception négative du côté protestant comme catholique au développement de la réanimation. Par contre, c'était pas quelque chose qui focalisait l'attention et qui retenait, qui mobilisait les énergies des savants ni de quiconque. En fait, on trouve des traces de réanimation dès l'Antiquité. On a un tout petit passage chez Hippocrate ou ceux qu'on met derrière le nom Hippocrate sur les signes à partir desquels on peut ou pas agir sur un asphyxié, mais c'est tout. Et avec introduction d'une flûte droite de berger dans la gorge en cas d'esquinancie suffocante ou de sténose. Oui, alors là, c'est en cas de suffocation due à un corps étranger ou à une énorme angine, pour dire ça comme ça. Pour dire ça avec des termes vernaculaires, oui. Mais on va retrouver ces thèmes-là noyés dans des ouvrages fleuves de médecins qui en parlent comme ils parlent d'autre chose, comme ils vont parler des hémorroïdes, et ni plus ni moins. Et dans les faits, on se rend compte que presque rien n'était fait, ou tout était improvisé sur des cas extrêmement spécifiques, extrêmement ponctuels. Tout était à réinventer à chaque fois qu'on était face à un noyé. Et généralement, ça donnait pas lieu à une mise par écrit. Donc, c'est pas que la réanimation n'était pas acceptable d'un point de vue religieux ou qu'elle n'était même pas imaginable, c'est plus qu'on était sans outils pour la penser réellement, et surtout pour la penser de manière approfondie, c'est-à-dire aller plus loin que juste secouer le noyé, le suspendre par les pieds, ce qu'on faisait, on a des traces au Moyen-Âge, ou essayer de le réchauffer ou de le saigner, ce qui ne servait pas à grand-chose. On parle beaucoup des noyés parce que c'est effectivement chez les noyés qu'on peut passer d'un état qui ressemble à un état de décès, d'inanimé, à animer, réanimer. Les noyés, ça fait plus de sens que d'autres types de morts où effectivement la mort est en tout cas apparemment définitive. On n'imagine pas qu'on puisse, par exemple, réveiller quelqu'un qui vient de faire une crise cardiaque et de la bave aux lèvres. Oui, Antoine Louis, un chirurgien médecin du milieu du XVIIIe siècle, quand il parle de réanimation, dit il faut bien distinguer les cas. Si on coupe la tête de quelqu'un, on ne pourra pas le réanimer. Il va participer à l'invention de la guillotine quelques décennies plus tard. Pourquoi les noyés? C'est une très bonne question à laquelle les sources ne répondent pas complètement. Donc on en est réduit à des hypothèses, mais ça semble faire sens effectivement dans la mesure où c'est un accident extrêmement fréquent, notamment avec les enfants, mais la population en général ne savait pas nager. On a affaire, dans les cas de noyade, à des personnes qui peuvent être souvent en très bonne santé, puisqu'elles étaient en train de se baigner, et qui n'ont absolument pas de signes apparents de blessures irréversibles. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui a fait que la réanimation a commencé avec les noyés. Beaucoup plus facile à traiter qu'une crise cardiaque à l'époque ou qu'une intoxication au monoxyde de carbone qui était très fréquente à cause des réchauds, où là, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, ça a commencé avec la noyade. Ça s'étend un peu à la pendaison et aux asphyxies à la fin du XVIIIe siècle, mais très doucement parce que l'efficacité des traitements est très faible. Et vous expliquez bien comment pendant très longtemps, et notamment dans l'Europe médiévale, les cas de réanimation de noyés sont dans un premier temps consignés comme miraculeux. C'est-à-dire que s'il y a retour à la vie, c'est l'action divine. Alors pour qu'il puisse y avoir une considération qu'on envisage le miracle, il faut qu'il y ait une prière aussi en même temps, il faut qu'il y ait un acte religieux. Mais ça, c'était quelque chose d'absolument constant. Là, vous faites référence au cas de la petite Marotte. Absolument. Ressuscitée, nous dit le procès de canonisation par Saint-Louis. En 1281. Le jour du carnaval, le jour de Mardi Gras. Décidément. Ça va être intéressant pour la suite. Mais oui, les réanimations de noyés qu'on a, surtout au Moyen-Âge, vont ressortir au niveau des procès de canonisation comme miracle. Mais on peut trouver dans certaines littératures des fausses noyades, une personne qui tombe à l'eau et qui est ramenée à terre et qu'on arrive à réanimer. C'est un procédé littéraire qui permet d'apporter quelque chose au récit sans qu'il y ait vraiment de technique. Voilà. On va trouver ça chez Cervantes dans son Don Quichotte, mais ça ne va pas aller très loin et c'est pas extrêmement fréquent. On trouve, avant d'arriver à l'insufflation, on trouve tout de même dans la littérature un certain nombre de pratiques qui sont parfois très iconoclastes, mais on trouve aussi un certain nombre de pratiques qui vont donner lieu à la naissance de la réanimation moderne. On trouve des traces de massage cardiaque, par exemple. Quand vous dites dans la littérature. Dans la littérature que vous décrivez, dans la littérature de... savante. Oui, savante, bien sûr. Oui, oui, pas dans la... savante, non, pas du tout dans la fiction. Hein, non. Dans la littérature scientifique. En fait, à peu près toutes les pratiques de réanimation qui vont être développées au XVIIIe siècle ont leur équivalent un peu plus tôt, surtout au XVIe, XVIIe, notamment pour guérir des troubles, on va dire, de l'équilibre âme-corps, les hystéries, les gens qui rentrent en catalepsie. On va appliquer des choses sur eux, mais il y a une différence fondamentale avec le fait d'essayer de faire ça sur quelqu'un qu'on considère comme mort. Donc si on veut, et c'est d'ailleurs la première étape qu'il faut absolument faire, commencer par comprendre les textes médicaux en regardant les textes médicaux et les textes médicaux qui les précèdent pour rechercher une évolution à l'intérieur même de la science, on peut dessiner quelques lignes qui iraient du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle et qui pourraient donner l'impression qu'on a une évolution naturelle. Ça marche un temps. Si on creuse un peu, on se rend compte que ça fonctionne pas. Par exemple, avec la pratique d'enfouir le noyé dans du fumier, là, ça tient un peu moins la route. Pour la pratique de tuer un... Alors, on va les regarder les unes après les autres parce qu'elles sont intéressantes. Non. Justement, sur ce qui est intéressant, c'est que voilà, on parle beaucoup de cet exemple d'effectivement d'enfouir un noyé sous du fumier, mais quand on enfouit un noyé sous du fumier ou quand on le recouvre de peau de bête ou de viscères de bête ou de choses comme ça, on a quand même compris quelque chose du maintien de la température corporelle. Alors là, vous êtes en train de parler en termes du 21e siècle, oui, de ce qu'ils faisaient à l'époque. Tout à fait. Et je m'inscris en faux. D'accord. Parce que, évidemment qu'ils parlent de réchauffer le noyé. Pour les noyés, oui, il y a une idée de température. Mais pas seulement la chaleur dont ils parlent, est aussi une chaleur pensée en termes hippocratiques, c'est-à-dire les quatre éléments et les quatre humeurs dans le corps. Donc... quand on nous dit qu'une peau de mouton écorchée, qui vient juste d'être écorchée, est la meilleure chose pour réanimer un noyé, mais qu'une peau de mouton qu'on a écorchée la veille va refroidir le noyé, alors qu'une peau de mouton, ça réchauffe, là, on voit clairement qu'on est dans une médecine de type hippocratique. On a ça au XVIIIe siècle, hein, cet exemple-là, je le sors du dernier tiers du XVIIIe. La peau de mouton, par exemple, a été utilisée par Ambroise Paré pour... sauver un très jeune enfant qui s'était fait rouler dessus deux fois par un carrosse. Donc là, il y a vraiment aucun rapport avec la température. C'est plus une espèce de magie sympathique où on fait passer la vie du mouton à celle de l'enfant. La magie sympathique, on la retrouve aussi sur les noyés ou sur lesquels il faut verser de l'eau froide, par exemple. C'est le même type de principe. Oui, alors ça, on va pas trouver ça au XVIIIe siècle, on va le trouver un peu plus tard. Mais ça peut rentrer dans le même ordre d'idées, même si pour l'eau froide, en fait, il s'agissait surtout des pendus ou des asphyxiés au monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, ce n'était pas l'expression consacrée à l'époque. Pour essayer de rappeler la réanimation, comme il n'y avait pas de réanimation cardiaque, pour rappeler la circulation, je veux dire. Comme il n'y avait pas de réanimation cardiaque, on se disait qu'il fallait ou frotter les membres ou produire quelque chose qui fasse contracter les veines, d'où l'eau froide. Sur l'ensemble de ces pratiques, encore une fois, avant d'en arriver à l'insufflation, quoique tout ça est un peu concomitant, à vrai dire, hein, parce qu'on est dans la même période, dans la même époque. Comment est-ce que vous l'inscrivez ? C'est assez intéressant. Comment est-ce que vous l'inscrivez pourtant dans une sorte de révolution générale, qui est une sorte de retour à la lumière, hein, de retour aux lumières en l'occurrence, et de volonté de théoriser, de fonder la médecine sur une pratique empirique, justement, de sortir la médecine des faubourgs et d'en refaire une médecine érudite. Comment est-ce que vous expliquez finalement ces errements qui sont, comme vous l'avez dit, hein, de l'ordre de la médecine sympathique notamment ? Alors, les errements de la médecine des Lumières, par rapport à la raison ? Par rapport à ce type de pratiques, qui sont des pratiques tout sauf à proprement parler scientifiques. Je dirais qu'il faut essayer de ne pas sous-estimer la force des symboles et de l'organisation symbolique du monde dans tous les discours, y compris les discours scientifiques. Quand on a quelque chose qui fait sens du point de vue symbolique. Il acquiert une puissance très forte de qui emporte la conviction. Et pour moi, c'est la raison propre de l'insufflation à laquelle on va arriver, l'insufflation Alvine. Et j'irai pas parler d'errement de la raison, parce que c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut aboutir à des nouvelles idées, mais c'est certain, est-ce que quelque chose de complètement rationnel existe? Est-ce qu'on a un scientifique qui va avoir un discours qui sera purement rationnel? Personnellement, je pense pas, il y a toujours une part de culturel et elle est nécessaire. Les ordinateurs ou l'intelligence artificielle pour l'instant n'inventent pas de nouvelles techniques. Oui, j'expliquerai ça comme ça. Le pouvoir de ce que Roland Barthes a très joliment appelé le mythe, la mythologie, c'est-à-dire l'organisation symbolique du monde, à l'intérieur de tout discours, y compris scientifique. Et on va revenir à cette apparition de l'insufflation, Alvine, dans quelques instants. Look at this, even if it's invisible. Talk to me, even if I'm deaf. I've been told that nothing can exist without mindless faith. Take my hand, even if there's nobody. Hear my voice when I'm silent. I've been told before our bodies formed, we were just intentions. Make yourself and Rebirth, la naissance et la renaissance, quoi de mieux en ce 1er novembre pour, c'était un morceau d'Anne Passeo pour parler de réanimation et d'histoire de la réanimation. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Anton Serdechny qui est avec nous, qui est auteur du Tabac pour les morts, une histoire de la réanimation. C'est aux éditions Champvallon et donc on va en arriver au cœur de votre ouvrage, c'est-à-dire cette histoire de l'insufflation Alvine. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, l'insufflation Alvine, c'est le fait de souffler de la fumée de tabac dans l'anus des noyés. Son introduction en France remonte au début de l'année 1774 par un échevin de Paris qui est également apothicaire et qui s'appelle Philippe Nicolas Piat. Alors, son introduction en France en tant que pratique organisée, son introduction textuelle date de 1740. Où, comme je le disais, notre grand Réaumur, qui est à sa station de métro, donc c'est pas n'importe qui, a amené la pratique dans un texte qu'il a fait imprimer à l'imprimerie royale pour qu'il soit diffusé le plus possible dans le royaume de France et qui présentait l'insufflation de fumée de tabac dans le derrière des noyers comme la pratique la plus efficace, sans expliquer pourquoi d'ailleurs. Il faut attendre ensuite quelques décennies avant que naissent les sociétés de secours aux noyés, dans les années 1760, d'abord à Amsterdam, où des personnalités privées, en l'occurrence pas l'État, commence à vouloir prendre en charge ce qu'il considère comme être un problème de société et donne des récompenses aux personnes qui sauvent des noyés et fournissent les instruments nécessaires à la bonne administration des pratiques de réanimation, en premier lieu l'insufflation alvine de fumée de tabac. Donc se développe à ce moment-là des soufflets qui ressemblent un peu à des narguilés couplés avec un soufflet et des canules. D'autres types de machines, certaines transportables, dont on fait la publicité dans les revues scientifiques en disant on peut souffler moins de tabac, mais on arrive plus vite sur les lieux puisqu'elle est plus légère. Et je sais qu'une bonne centaine de machines s'est vendue en un an, en 1774, justement, une machine inventée par Piat. Par Bartholin ? Non, c'est pas non. Bartholin, il avait une machine pour souffler de la fumée de tabac dans le derrière, mais c'était surtout pour les coliques ou la constipation. On s'en est inspiré après, mais la machine fumigatoire de Piat est très spécifique, et pour la noyade, et une machine de sa conception, donc diffusée en France, dernier tiers du XVIIIe siècle, qu'on retrouve partout, sur les quais de Saône, de Rhône, à Lyon, où il y a eu quelques problèmes parce que les boîtes étaient forcées pour voler le tabac. Donc elles étaient souvent vidées de leur contenu. Et puis dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes villes d'Europe, chacun avait sa machine préférée. Celle d'Amsterdam a eu beaucoup de succès. On la retrouve à Berne, en Suisse, par exemple. Et alors, quel est le point de départ? Parce que vous le dites, hein, on le trouve chez Réaumur dès 1730, on en trouve des traces partout en Europe. Et vous avez eu quand même un certain mal à réussir à vraiment remonter le cours de la rivière pour trouver l'origine médicale ou l'origine scientifique ou des textes qui puissent attester finalement de la preuve d'efficacité de ces techniques. Alors, il y a deux questions. Il y a la question de l'efficacité et la question de l'origine de la pratique. Je vais commencer par l'efficacité, parce que c'est quelque chose qui peut susciter l'interrogation. Est-ce que ça marchait de souffler de la fumée de tabac dans le derrière des noyés pour les réanimer? La réponse, c'est très probablement non. L'efficacité est extrêmement improbable. Il faudrait faire l'essai pour être certain, mais ça reste très compliqué et assez difficile à mettre en place aujourd'hui, parce qu'il faudrait faire ça sur des animaux, il faut des autorisations spéciales. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais l'efficacité était a priori inexistante. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont été réanimées grâce à ce procédé, mais rien qui prouve dans les témoignages qu'elles étaient effectivement en arrêt respiratoire et encore moins en arrêt cardiaque. Donc si on a quelqu'un qui est simplement évanoui et qu'on lui applique ce procédé, il va ressentir une douleur très forte et dans les faits, dans les témoignages, j'ai des personnes qui poussent des hurlements au moment où elles se réveillent. Ça c'est pour la question de l'efficacité qui, de toute façon, n'est pas fondamentale pour l'enquête que j'ai menée. Parce que si la pratique est efficace, ça explique pas comment on a eu l'idée. Ils ont pas essayé de souffler de la fumée de tabac par tous les orifices du corps. J'ai aucun cas de fumée de tabac poussée dans l'oreille. Pourquoi pas? Ça, ils y ont pas pensé. Et ça expliquerait encore moins, si la pratique est efficace, pourquoi elle disparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ça, ce serait... Disparaît très très rapidement et vous dites tout aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison scientifique, ni à son apparition, ni à sa disparition. C'est pour ça que ça m'a poussé à aller chercher du côté culturel. Alors ensuite, l'enquête, comme je disais tout à l'heure, doit commencer par les textes médicaux eux-mêmes ou les textes qui préconisent la pratique, qui ne sont pas forcément des textes médicaux. En l'occurrence, la réanimation est née sous la plume d'un savant, philologue, philosophe, spécialiste de littérature grecque et de théologie protestante, Louis Bourguet, à Neuchâtel. Mmh. Qui a vu des jeunes gens se noyer dans le lac de cette ville et qui s'est dit, c'est vraiment aberrant qu'on n'essaye rien sur des personnes qui ont l'air aussi en vie. Donc, il propose à ce moment-là l'insufflation, entre autres. Il propose aussi d'uriner dans la bouche des noyés. L'urine chaude, oui. Oui. En 1733, c'est une lettre qui lui... Et d'ailleurs, il défend une proposition qui lui paraît paradoxale. Il l'intitule ainsi en disant « ça va vous sembler paradoxal ». Donc c'est une manière de dire « je suis en train de dire quelque chose d'extrêmement nouveau ». Ce qui était en même temps vrai, en même temps relativement à relativiser, on va dire. Puisqu'on a quelques cas, quelques mentions, comme nous l'avons dit précédemment, de tentatives de réanimation avant ça. Mais par contre, l'esprit dans lequel il le fait, qui est en fait l'esprit des Lumières, c'est-à-dire la science mise au service de l'utilité, la recherche du bien commun, ça c'était une nouveauté cruciale qui a fait prendre le discours. Encore une fois, c'est la réception qui compte. Son discours a abouti à une multitude de réponses au sein du journal où il l'avait formulé. Quand Réaumur a mis la main dessus, ça l'a interpellé complètement et la machine était lancée et le mouvement ne s'est jamais arrêté. Mais Bourguet lui-même, donc ce savant de Neuchâtel, n'explique pas pourquoi il pense que c'est la meilleure pratique. Et quand il y a une dispute ensuite entre lui et les médecins et chirurgiens qui se sentent attaqués en disant comment ça, vous dites que rien n'est fait et que les médecins sont aussi peuple que les plus ignorants. Que les plus ignorants, je cite sa lettre. Tout le monde se met à la recherche de précédents, de références livresques qui pourraient permettre de donner du crédit à tout le propos, y compris à la défense de cette pratique, qui en fait est acceptée par tout le monde à ce moment-là. Et ils sont incapables de le faire. Donc là, on se retrouve face au premier problème. Si on fait une recherche à l'intérieur des textes eux-mêmes, on arrive à une impasse. Comment elle apparaît? Pourquoi elle apparaît? En tout cas, c'est pas dans les livres qu'on trouve la réponse. Si on cherche un peu, on va trouver 3 ou 4 références extrêmement ponctuelles de personnes qui, un dans les années 1490, qui dit de manière extrêmement mystérieuse aussi, pour réanimer un nouveau-né qui semble mort, on peut lui souffler dans la bouche ou dans le derrière. Et ça s'arrête là. Et puis quelques cas en Hollande où des personnes disent que c'est pratiqué ou sur des enfants ou sur des adultes qui se sont noyés. Mais à chaque fois, il semble n'y avoir aucun lien entre ces textes-là. Ils proposent des pratiques différentes, les formes sont différentes. On ne souffle pas avec les mêmes instruments. Et on souffle de l'air à ce moment-là. Et ça n'éclaire pas vraiment les choses que d'essayer de regarder à l'intérieur des textes médicaux. Il faut aller voir ailleurs si on veut comprendre pourquoi c'est présenté comme la meilleure pratique possible de réanimation en 1733. Les textes médicaux n'apportent aucune réponse. Il y a aucune forme de trace dans la littérature médicale, de signe, encore une fois, de souffler, l'insufflation. Là aussi, on est dans une pratique sympathique, où on se dit, puisque le souffle ne passe plus par le haut, on va le réimplémenter par le bas. On pourrait trouver une sorte de logique populaire à cela. Et ça, vous n'en trouvez aucune forme. Alors, de logique populaire dans la médecine, on commence à mélanger les répertoires, ce qui est une bonne chose, puisque je pense que la réponse passe par là. Mais en tout cas, c'est jamais formulé ainsi. C'est présenté comme une pratique diffuse. On a entendu parler, on a entendu dire que, ou simplement donner tel quel, sans aucune explication. Donc, pas vraiment de magie sympathique. Et puis, si on se réfère à la physiologie de l'époque, c'est plutôt vers le haut qu'il faudrait souffler. On a une assez bonne connaissance de ce qui se passe, même si c'est encore en train d'être expérimenté, au niveau des poumons. Est-ce qu'il y a de l'eau ou pas à l'intérieur? On se pose vraiment cette question-là. Et le but est de remettre en jeu la respiration. Ça, tout le monde le dit. Souffler dans le derrière pour remettre en jeu la respiration peut sembler assez paradoxal, justement. Et aucune explication satisfaisante est donnée à l'intérieur même des textes. Et du coup, votre enquête vous emmène effectivement en dehors des sentiers de la médecine et de la littérature médicale sur, au contraire, ceux de pratiques populaires, de pratiques stricto sensu culturelles. L'hypothèse de laquelle je suis parti, c'est, je me suis inspiré, on est dans la méthode scientifique, donc je vais pouvoir parler un peu d'épistémologie. Bien entendu. Pas tout le temps le faire. D'un épistémologue autrichien, Paul Feyerabend, qui était un peu iconoclaste, mais moins qu'on l'a dit d'ailleurs, qui explique dans son Contre la méthode que quand on veut inventer quelque chose de vraiment nouveau, d'inédit, il faut céder de n'importe quelle idée, que tout est bon. D'où puisse venir l'idée, si elle permet de penser quelque chose de neuf, elle peut avoir une valeur dans l'évolution de la science. Par exemple, notre expérience de tous les jours nous montre que un mouton se reproduisant avec un mouton donne un autre mouton. Donc, pour aller penser une théorie, une transformation des espèces, puis une théorie de l'évolution des espèces, il faut aller à l'encontre de l'expérience quotidienne. De la même manière, la Terre semble plate, en fait elle est ronde. C'est cette idée-là que Feyerabend appelle la contre-induction, aller à l'encontre de ce qui nous semble normal. Après la lecture de son ouvrage, j'ai formulé l'hypothèse que peut-être que, au moment où ils ont développé la réanimation, ces savants-là, qui n'étaient d'ailleurs pas pour l'essentiel médecins comme Bourguet, ont cherché à se raccrocher sans s'en rendre compte aux éléments culturels qu'il pouvait y avoir autour d'eux, dans lesquels ils pourraient trouver des gestes qui aboutissent à une résurrection. Et en l'occurrence, la culture européenne est assez pauvre en gestes liés à la résurrection, puisque dans la médecine, il n'y en avait quasiment pas. Dans la religion, on a surtout affaire à des miracles par des mots, parfois par imposition des mains. Je passe sur le cas d'un prophète qui s'allonge sur un enfant, mais c'est, de toute façon, c'est pas reproductible et c'est pas du bouche à bouche comme on peut le lire parfois. Et ce qu'on trouve, par contre, c'est des pantomimes, ou des rites ou des contes dans lesquels des résurrections ou des fausses résurrections ont lieu, où on souffle dans le derrière, qu'on trouve encore quasiment jusqu'il y a peu, jusqu'au milieu du XXe siècle, surtout dans le sud-ouest de la France, avec la danse des souffles à cul, qui est une danse qui se fait au moment du carnaval, avec des chants qui les accompagnent, dont un qui dit « il faut souffler au cul », je ne vais pas parler en occitan parce que je n'ai pas la compétence, « il faut souffler au cul de la pauvre vieille, elle en a besoin ». À partir de ce moment-là, l'idée qu'il y avait dans le carnaval un geste lié à la résurrection, au fait de remettre l'âme à l'envers, alors on est purement dans une logique carnavalesque assez classique pour qui étudie un peu le carnaval. Ou qui le haut, le bas, l'inversion des valeurs, etc. Ah, oui. La culbute et la renaissance, puisque le carnaval est avant tout le passage de l'hiver au printemps, qui célèbre ou qui veut provoquer la renaissance de la nature. D'un point de vue symbolique, les choses pouvaient commencer à devenir cohérentes. Et c'est ça qui m'a lancé sur est-ce que, à l'époque, au 18e et avant, on a des représentations où on pourrait voir que dans le carnaval, il y avait ce geste-là, qu'il était assez connu, qu'il était assez mis en scène. Même s'il était pour rire, on pourrait envisager que c'était ce qu'ils avaient en tête, de manière involontaire, de manière inconsciente, et qu'ils l'ont simplement repris pour s'appuyer sur quelque chose, pour inventer quelque chose de nouveau. Là, c'est un pari, parce que rien ne dit que les documents existent, mais en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de chance, les sources ont été de mon côté, et on trouve énormément d'occurrences du geste de souffler dans le derrière pour provoquer une réanimation, comique ou non, dans la littérature de type Rabelais. On l'a explicitement. Dans les rites du carnaval, avec un rite exceptionnel qui est très peu connu, qui s'appelle la danse du barbier, où un barbier tue par accident, fait semblant de tuer par accident un de ses clients, cherche à le ressusciter et finit par lui souffler dans le derrière, qui est une danse qu'on retrouve au fin fond de la Pologne, en Cachoubi, et dans le Pays Basque, donc, ce qui veut dire qu'elle est extrêmement ancienne. Pour avoir confirmation de cette hypothèse-là, j'ai eu beaucoup de chance avec le sculpteur Benvenuto Cellini, qui a écrit ses mémoires, et dans le cours du XVIe siècle, et qui a écrit, mon idée était, est-ce que c'est possible d'envisager que, à cette époque-là, au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, quand on pense à ressusciter quelqu'un, on pense à lui souffler dans le derrière, mais pas de manière sérieuse, avant le développement de la réanimation. Et en l'occurrence, Benvenuto Cellini raconte un épisode où un médecin est appelé pour aller sauver un mort, et il répond à la personne qui vient le voir, le valet de Cellini en l'occurrence, qui lui dit, et il lui répond, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'arrive avec ma médecine et que je lui souffle au cul et qu'il reprenne vie? On peut rien faire. S'il est mort, il est mort, et la médecine n'y peut rien. Et donc là, j'avais enfin la preuve que c'était ce qui venait en tête d'un médecin ou de quelqu'un d'autre, là c'était pas important, que ça faisait partie du bagage culturel que volens nolens, même les savants avaient en eux, et que sans s'en rendre compte, très probablement au début du XVIIIe siècle, les savants qui ont développé la réanimation s'en sont inspirés pour dire voilà, cette pratique est sans doute la meilleure. Et je pense que c'est là qu'on peut trouver l'explication du succès de la pratique, alors qu'elle n'a pas de justification médicale poussée à l'époque justement où elle se développe. cette hypothèse-là a un autre avantage, celui d'expliquer toutes les autres étrangetés qui peuplent, et elles sont nombreuses, qui peuplent les premiers textes sur la réanimation, comme l'hibernation des hirondelles sous l'eau, la croyance en l'hibernation des hirondelles sous l'eau, ou des cigognes qu'on dit avoir repêchées en hiver, le bec dans le derrière les unes des autres. Là, on peut retracer, redessiner le système symbolique dans lequel tout ça prend sens, y compris le fumier, y compris l'urine, comme un système de représentation tout à fait traditionnel, tout à fait classique, que l'anthropologie connaît bien, mais ici appliqué à la science. Et où l'anthropologie permet effectivement de rééclairer sous une autre lumière, en tout cas cette histoire des sciences, et c'est cette enquête-là qui est effectivement assez passionnante, l'anthropologie à l'aide de l'épistémologie. En quelques mots peut-être, parce qu'on va raconter, on va essayer de reboucler avec la contemporanéité, sur la disparition aussi soudaine de cette pratique dans la première moitié du 19e siècle, d'un seul coup. Est-ce qu'il y a une reprise en main des médecins, du balbutiement de la biologie médicale, ou comment est-ce que vous expliquez cette disparition, Antoine Cederschny, mais oui, c'est compliqué. On y est presque. Mais c'est difficile de mal le prendre quand on vit en France et qu'on a un nom avec trop de consonnes. Donc la disparition de cette pratique se justifie pas du tout au regard des textes. On a quelques attaques très très ponctuelles, et encore une fois, qui vont être présentées quand l'histoire des sciences, quand l'histoire de la réanimation a voulu en parler en disant « Ah ça y est, avec tel médecin, Portal en l'occurrence, on a la condamnation de l'insufflation », sauf que c'est extrêmement mal reçu, et que lui-même, en voyant que c'était mal reçu, revient sur ses propres dires 10 ans plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, pour dire que finalement c'est une très bonne pratique. Donc il faut faire très attention à comment ça disparaît, dans quelle mesure ça disparaît, et si on a une personne qui dit qu'il ne faut pas faire cette pratique, ça ne veut pas dire que l'ensemble de la communauté scientifique le suit, encore moins l'ensemble de la population. Ce qu'on a, c'est des attaques assez fortes qui arrivent au début du 19e siècle, quand on se rend compte que la nicotine est en fait, en concentré, est un poison. Si on fait de l'essence de nicotine et qu'on en met dans l'œil d'un chien, il meurt immédiatement. À partir de ce moment-là, on pense que le tabac est dangereux, à cause de la nicotine. Et c'est la naissance des premiers filtres pour cigarettes. Pas contre le goudron, mais contre la nicotine, pour essayer de stopper la nicotine, pour que la personne ne l'avale pas et ne s'empoisonne pas. Donc on est très loin, encore une fois, de ça peut ressembler à quelque chose aujourd'hui, mais c'est dans un esprit complètement différent. Certains disent qu'il suffit de regarder les sociétés de secours aux noyés et le succès de l'insufflation de fumée de tabac pour continuer de défendre la pratique. Et d'autres disent, mais si le tabac pose problème, il suffirait de changer d'herbe. Prenons de l'eucalyptus, par exemple. Et donc, il n'y a pas réellement de raison pour que la pratique disparaisse complètement au milieu du 19e siècle. On a encore le président de la société de secours d'Amsterdam qui construit une nouvelle machine. Et elle va disparaître d'un coup, comme ça. Pas pour des raisons rationnelles, pas pour une reprise en main, pas à cause d'examens cliniques, mais probablement parce que le contexte culturel dans lequel elle prenait complètement son sens était en train de disparaître, avec le développement d'une autre agriculture et la fin de la validité des rites du carnaval, pour aller vite. Et l'histoire de la réanimation, on arrive évidemment dans la dernière partie de cette émission, l'histoire de la réanimation se poursuit, hein. Après, sur un registre, on va l'entendre beaucoup plus médicalisé. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et il faut attendre le début du 20e siècle, hein, pour voir apparaître le tout premier service de réanimation hospitalière. Oui, alors je suis désolé pour le grand écart, c'est vrai que là on fait un petit saut dans le temps. Je suis allé rencontrer Jean-Bernard Casala qui nous raconte cette histoire de la réanimation telle qu'on la connaît un petit peu aujourd'hui. Jean-Bernard Casala, il a été anesthésiste réanimateur à l'hôpital Necker. Il préside aujourd'hui l'Institut d'Histoire de la Médecine, de la Chirurgie et de la Santé, et il m'a expliqué comment une épidémie de poliomyélite au Danemark au début des années 1950 a marqué un tournant décisif ouvrant la voie à la réanimation telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail de cette grande première, je lui ai demandé à quoi ressemblaient les techniques de réanimation au début des années 50. Les techniques de réanimation étaient les techniques des anesthésistes de réanimateurs. C'est-à-dire, il transfusait, il perfusait, il mettait des sondes dans la trachée pour faire des ventilations en cours d'intervention. Mais déjà, on libérait les voies aériennes supérieures. Il y avait encore le massage cardiaque interne quand il se passait un arrêt cardiaque. À quoi ça ressemblait un massage cardiaque interne? Ah ben, c'est tout simple. On ouvre l'abdomen, on ouvre le diaphragme et on met la main à l'intérieur du thorax, on prend le cœur dans la main et on le masse au rythme de 80 pulsations par minute. Voilà, donc là on est au 20e siècle et on pratiquait encore cette technique qui a l'air un petit peu raide. Donc vous voyez que c'est une technique de bloc opératoire et ce n'est pas une technique de premier secours. Et puis arrive en 52 l'épidémie de poliomyélite. Elle a été terrible à Copenhague. Et à l'hôpital de Bleggen, on a eu 2620 polio qui ont été reçus en 19 semaines et 820 avec des problèmes respiratoires. Et ils n'avaient peu de moyens. Ils avaient un poumon d'acier. Qu'est-ce que c'est qu'un poumon d'acier? Alors, un poumon d'acier, c'est un grand cylindre dans lequel on met le patient, il n'y a que la tête qui dépasse. Et dans le poumon, on crée une dépression, ça fait l'inspiration, le thorax se soulève, et on revient à zéro, et ça fait l'expiration. C'est simple, simplement, quand le patient est sorti, il faut le faire respirer pendant ce temps-là, parce qu'il ne respire pas, et il faut le masser, il faut faire ses soins, c'est quand même des soins difficiles à faire. Larsen, qui était le chef de service d'infectiologie, disait que la polio, il meurt parce qu'il y a une charge virale trop importante. Et puis on lui a dit, mais vous devrez aller voir Ibsen, qui est l'anesthésiste, qui a été formé aux États-Unis et qui connaît bien ça. Et alors, Ibsen voit ça et dit, moi je pense que c'est plutôt une détresse respiratoire. Alors, arrive une petite fille qui est mise en poumon d'acier, et la complication des poumons d'acier, c'est comme on ne pouvait pas les faire tousser et cracher, il y a un des poumons qui se bouche par les sécrétions. Donc elle étouffe, même dans le poumon d'acier. Donc on décide de lui faire une trachéotomie. Et on l'amène au bloc opératoire avec Ibsen pour faire la trachéotomie. Il commence la trachéotomie sous local, mais l'enfant est très agité, dû à son insuffisance respiratoire. Et Ibsen l'endort, l'intube, aspire les sécrétions et ventile l'enfant. Et l'enfant redevient rose. C'est la réanimation. Il la réveille, il la remet au poumon d'acier en enlevant la sonde, elle est très chaotomisée à ce moment-là, mais ça se réaggrave. Et on comprend que pour la faire vivre, il faut la ventilation artificielle. Et là, on a une chaîne de solidarité qui est quand même extraordinaire pour moi. À chaque fois que je raconte cette histoire, je suis ému. 450 bénévoles, étudiants en médecine, étudiants infirmiers, autres étudiants, vont se remplacer toutes les 4 heures pour ventiler tous les enfants en détresse respiratoire. Alors, quel geste ils faisaient justement? Eh bien, ils avaient un ballon, de la chaussodée pour épurer le gaz carbonique, et ils ventilaient à la main en appuyant sur ce ballon. Et ils ont ventilé 102 enfants pendant plus d'un mois et 40 pendant plus de 6 mois. La mortalité de 90% est passée à 27%. Les bénévoles, c'est bien. Mais il faut trouver un moyen automatique. Et à ce moment-là, Angstrom a inventé son respirateur, qui est l'Angstrom 150, qui est une machine extraordinaire, qui servait encore jusqu'en 90. Donc, 54, Monsieur Cara, qui a été un des pères du SAMU, est arrivé à Copenhague, a vu le respirateur et l'a introduit en France. Et puis, vous avez quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que le professeur Mollaret, qui était à Claude Bernard, professeur d'infectiologie, a monté le premier service de réanimation moderne en Europe. Et ça a servi d'exemple dans le monde entier. Ils étaient 5 médecins et ils assuraient 24 heures sur 24 le suivi des patients. Ça a été quand même extraordinaire. Il y avait les salles avec les poumons d'acier, les salles avec des lits basculants, des salles avec des respirateurs, et le laboratoire à côté. Et souvent, ils essayaient la ventilation, les réglages ventilatoires sur les animaux, et voyant ce que ça faisait, ils adaptaient le patient. Directement. Directement. C'était vraiment un truc extraordinaire. Alors, ce service de réanimation a disparu maintenant, parce que Claude Bernard a disparu, mais c'est le premier service qui a eu une distribution d'oxygène généralisée avec une centrale à oxygène. Et tout le monde a imité le service Mollaret. c'est un point de départ, ce sont des pionniers. À partir de ce moment-là, quel autre type de réanimation on propose et comment ça se développe d'un point de vue technologique et de façon assez rapide pour le coup, alors qu'on a attendu des milliers d'années finalement avant d'avoir une vraie proposition de réanimation qui fonctionne. Parallèlement, en 1954, c'est une date importante, le professeur Amburger, à Necker, va développer le rein artificiel. Alors le rein artificiel a été inventé par Kopft, qui était un Hollandais pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il n'a eu aucun succès. Ça n'empêche qu'en 1947, on a eu la première patiente qui a été sauvée par un rein artificiel. Et on est arrivé sur la notion de réanimation métabolique. Enfin, on va s'occuper du milieu intérieur, c'est-à-dire des sodium, potassium, urée, pour équilibrer tout ça. Donc on a ces deux techniques qui sont faites. À la même époque, point de vue premier secours, ça avance. Et on a le massage cardiaque externe. Et le bouche-à-bouche qui revient. Donc on progresse en premier secours. Et la circulation extracorporelle qui se faisait pour la chirurgie cardiaque va se miniaturiser, comme se sont miniaturisés les respirateurs, comme se sont adaptés les reins artificiels. Et on se retrouve avec l'ECMO, c'est-à-dire la circulation artificielle qu'on fait dans la rue maintenant. Hein, ce qui fait que certains disent qu'après la mort, il y a l'ECMO. Mais actuellement, on est dans des limites de réanimation qui sont quand même extraordinaires et qui nous ont fait faire des progrès fantastiques. Voilà un bréviaire rapide de l'histoire de la réanimation contemporaine. Peut-être une réaction, Antoine Sardetchny. Très beau récit. Assez intéressant, notamment par rapport à la réanimation thorax ouvert ou non. Je crois que ce cas-là, le fait de réanimer un cœur en ouvrant le thorax pour pouvoir l'actionner à la main, ce qui était la pratique la plus courante dans les années 40, même mise en avant, un médecin avait eu l'idée de donner des bistouris à tout le monde pour qu'on puisse le faire dans la rue, ça c'était aux États-Unis, montre la fausse évidence a posteriori des idées. Ça semble très logique de comprimer le thorax pour faire un massage cardiaque. L'idée n'est pas évidente tant qu'on ne l'a pas eu. C'est la même chose pour la réanimation. Réanimer un mort est quelque chose de pas évident et a demandé un énorme effort qui nécessitait les apports culturels, dont celui du carnaval ou d'Halloween ou de... pour reprendre votre prénom que j'ai aucun mérite à Nicolas. Bien prononcer. Nicolas. Non, mais après. Votre nom que j'ai aucun mérite à bien prononcer. Dans 10 jours, on a la Saint-Martin, qui était une autre forme d'Halloween de l'époque, qui joue son rôle aussi dans le développement de la réanimation. On est dans une période de toute façon où les morts sont en train de nous visiter, là, pour une dizaine de jours. Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir eu à ce micro vivant, Antoine Sardetchny. Ça y est, j'y arrive à la fin de cette heure. Je suis navré d'avoir écorché votre nom. Antoine Sardetchny, du tabac. Merci. Pour le mort. Une enquête passionnante dans cette histoire de la réanimation que vous venez de nous expliquer brillamment, c'est aux éditions Champvallon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce Merci jour des morts. Et puis, bien vous qui nous écoutez demain, si vous êtes dans les parages de Nantes, soyez les bienvenus puisque nous serons au festival Les Utopiales avec le camarade François Angeau et le camarade Étienne Klein. Pour ce qui me concerne, une méthode scientifique en direct de 16h à 17h consacrée au corps cybernétique, au cyberpunk et au cyborg, puisque le corps, c'est le thème de ces Utopiales 2018. Et puis, dans la foulée, nous enregistrerons un entretien avec le grand auteur de science-fiction britannique, Christopher Priest, auteur entre autres du Prestige qui a été adapté au cinéma par Christopher Nolan, mais aussi de toute une littérature foisonnante autour de l'archipel du rêve. Ce sera aux alentours de 17h15. Soyez les bienvenus au festival Les Utopiales. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Emmanuel Geoffroy aujourd'hui à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. On se retrouve demain à Nantes en direct des Utopiales à 16h jusqu'à preuve du contraire.